10 mars. Je me trouvais seul avec Amélie à l'heure du thé. C'était ce que je désirais, car il me tardait de lui parler. Il m'arrive si rarement d'être en tête-à-tête avec elle que je me sentais comme timide, et l'importance de ce que j'avais à lui dire me troublait, comme s'il se fût agi, non des aveux de Jacques, mais des miens propres. J'éprouvais aussi, devant que de parler, à quel point deux êtres, vivant somme toute de la même vie, et qui s'aiment, peuvent rester ou devenir, l'un pour l'autre, énigmatiques et emmurés. Les paroles, dans ce cas, soit celles que nous adressons à l'autre, soit celles que l'autre nous adresse, sonnent plaintivement, comme des coups de sonde pour nous avertir de la résistance de cette cloison séparatrice et qui, si l'on y veille, risque d'aller s'épaississant. Jacques m'a parlé hier soir, et ce matin, commençais-je, tandis qu'elle versait le thé, et ma voix était aussi tremblante que celle de Jacques hier était assurée. Il m'a parlé de son amour pour Gertrude. Il a bien fait de t'en parler, dit-elle, sans me regarder, et en continuant son travail de ménagère, comme si je lui annonçais une chose toute naturelle, ou plutôt, comme si je ne lui apprenais rien. Il m'a dit son désir de l'épouser. Sa résolution, c'était à prévoir, murmura-t-elle, en haussant légèrement les épaules. « Alors, tu t'en doutais ? » fis-je un peu nerveusement. « On voyait venir cela depuis longtemps, mais c'est un genre de choses que les hommes ne savent pas remarquer. Tu aurais bien pu m'avertir. S'il fallait que je t'avertisse de tout ce que tu ne sais pas remarquer. » Que signifiait cette insinuation ? C'est ce que je ne savais, ni ne voulais chercher à savoir, et passant outre. « Enfin, je voulais entendre ce que toi tu penses de cela. » Elle soupira, puis, « Tu sais, mon ami, que je n'ai jamais approuvé la présence de cet enfant parmi nous. » J'avais du mal à ne pas mériter à la voyant revenir ainsi sur le passé. « Il ne s'agit pas de la présence de Gertrude, » repris-je. Mais Amélie continuait déjà. « J'ai toujours pensé qu'il n'en pourrait rien résulter que de fâcheux. » Par grand désir de conciliation, je saisis au bon la phrase. « Alors, tu considères comme fâcheux un tel mariage ? Eh bien, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Heureux que nous soyons du même avis. » J'ajoutai que du reste, Jacques s'était docilement soumis aux raisons que je lui avais données, de sorte qu'elle n'avait plus à s'inquiéter, qu'il était convenu qu'il partirait demain pour ce voyage, qui devrait durer tout un mois. « Comme je ne me soucie pas plus que toi qu'il retrouve Gertrude ici à son retour, » dis-je enfin, « j'ai pensé que le mieux serait de la confier à Louise, l'organiste, chez qui je pourrais continuer de la voir, car je ne me dissimule pas que j'ai contracté de véritables obligations envers elle. J'ai tantôt été pressentir la nouvelle hôtesse, qui ne demande qu'à nous obliger. Ainsi, tu seras délivré d'une présence qui t'est pénible. Louise s'occupera de Gertrude. Elle se montre enchantée de l'arrangement. Elle se réjouit déjà de lui donner des leçons d'harmonie. Au reste, Jacques reviendra de ce voyage, peut-être déjà guéri de son amour. À son âge, est-ce qu'on connaît seulement ses désirs ? Oh ! Même plus tard, on ne les connaît pas toujours, » fit-elle enfin bizarrement. Son ton énigmatique et sentencieux m'irritait, car je suis de naturel trop franc pour m'accommoder aisément du mystère. Me tournant vers elle, je la priai d'expliquer ce qu'elle sous-entendait par là. « Rien, mon ami, » reprit-elle tristement. « Je songeais seulement que tantôt tu souhaitais qu'on t'avertisse de ce que tu ne me remarquais pas. Et alors ? Et alors je me disais qu'il n'est pas aisé d'avertir. » J'ai dit que j'avais horreur du mystère, et par principe, je me refuse au sous-entendu. Quand tu voudras que je te comprenne, tu tâcheras de t'exprimer plus clairement, répartis d'une manière peut-être un peu brutale, et que je regrettais tout aussitôt, car je vis un instant ses lèvres trembler. Elle détourna la tête, puis, se levant, fit quelques pas hésitants et comme chancelant dans la pièce. « Mais enfin, Amélie, » m'écriai-je, « pourquoi continues-tu à te désoler, à présent que tout est réparé ?» Je sentais que mon regard la gênait, et c'est le dos tourné, m'accoudant à la table et la tête appuyée contre la main que je lui dis. « Je t'ai parlé durement tout à l'heure, pardon. » Alors, je l'entendis s'approcher de moi, puis je sentis ses doigts se poser doucement sur mon front, tandis qu'elle disait, d'une voix tendre et pleine de larmes, « Mon pauvre ami !» puis aussitôt, elle quitta la pièce. Les phrases d'Amélie, qui me paraissaient alors mystérieuses, s'éclairèrent pour moi, peu, ensuite. Je les ai rapportées, telles qu'elles m'apparurent d'abord. Et ce jour-là, je compris seulement qu'il était temps que Gertrude partît.